Bonjour, je suis Nijo. Bonjour, je suis Ether. Et bienvenue sur Otakuz. Tu peux un peu nous expliquer ce qu'il y aura dans ce épisode spécial? Ouais, ben alors déjà on va se présenter hein, pour que les gens puissent un peu nous connaître et ensuite on va se poser la question pourquoi on a fait le podcast et par la suite on parlera du contenu de ce qu'il y aura au prochain épisode, soit le tout premier. On va commencer tout de suite. Nijo, tu vas te présenter à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Donc moi c'est Nijo, j'ai 18 ans. Vous m'avez sans doute déjà entendu sur mon autre podcast qui est WoW Chronix, un podcast sur l'univers de Warcraft que j'anime tout seul. Niveau jeux vidéo, je joue depuis mes 5 ans. J'ai commencé sur la Mega Drive pour continuer sur la PS1, la Nintendo 64, bon enfin tout le cycle habituel d'un gamer, j'ai envie de dire. Plus actuellement, je viens d'arrêter World of Warcraft au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Et là, je me suis remis à Warcraft 3, donc un peu en joueur haut level, j'ai envie de dire, parce que je fais quand même assez pas mal de lane et dans le Battle.net. Et après ma petite phase de Warcraft 3, je vais à, en fait là, là en fait, je suis en train d'attendre la sortie de Diablo 3 et de Starcraft 2. Donc voilà, ça c'est ma petite histoire de gamer. Niveau drama, musique asiatique et tout, je suis dedans depuis, hors Dragon Ball, parce que tout le monde regardait Dragon Ball quand on était petit, donc ça compte pas. Je suis dedans depuis 7 ans, plus ou moins. Donc j'écoute de la musique japonaise, excusez-moi, musique coréenne, en passant par du chinois et du taïwanais, et même du vietnamien. Côté drama, je suis énormément, contrairement à Ether, je suis énormément drama coréen. Donc moi, quand je vais vous présenter des dramas, ce sera plutôt de ce style-là. Beaucoup dans le style aussi amour et drame. Donc voilà, on a tous les deux un style différent, ce qui est plutôt pas mal pour les présentations des dramas. Moi, c'est Ether, j'ai 18 ans. Tout comme Nijo, ben, pour moi, j'ai commencé un petit peu plus tard, vers 6-7 ans, à me consacrer plutôt sur la Mega Drive, la PS1, PS2, PS3. Ça remonte jusqu'à la Wii. Voilà. Donc, fan des jeux vidéo plutôt tôt, je trouve. Ah oui. Sinon, ben, le Japon, moi, c'est plus Japon, moins Corée, comparé à Nijo. Donc, que ce soit drama, moi j'ai commencé par les mangas, que ce soit Naruto, les trucs vraiment connus. Ouais, Bleach. Là, je pars plutôt dans le moins connu et plus dans les dramas, mais complètement japonais. La musique également, plus Japon que Corée, voilà. Oui, et actuellement, en jeu vidéo, tu touches un peu à quoi? En ce moment, bah, Kingdom Hearts, Ouais. truc bien. J'aime bien, toi, plateforme, aventure, trucs comme Ah ça. là. Kingdom Hearts. Et japonais toujours. Ouais, toujours. Ah, c'est vraiment le top, hein. On t'attend aussi sans doute le Final Fantasy qui va sortir, le 13. Et ouais. On l'attend tous, hein, je pense. Bon, sinon, actuellement, je joue à un MMORPG du nom de Dofus. Hein, c'est un style de jeu plutôt tour par tour. Donc, bon, c'est plutôt plaisant. Plutôt que le gros truc de bourrin. En live, moi je préfère plutôt le tour par tour, c'est tranquille quoi. Ça, tu penses Voilà. à World of Warcraft, c'est ça? Hein? Non, pas du tout. Ouais. Bon, faut dire qu'entre Nijo et moi, on est toujours en train de se fighter entre Warcraft et Dofus, hein, bien que ce soit complètement différent. Moi je préfère le tour par tour et lui c'est plutôt à la grosse bourrine. Ouais, lui, je préfère le français, moi, je préfère l'américain. Voilà. Donc, pour ma part, ce podcast, j'avais envie de le faire depuis... depuis... Juste avant que j'ai commencé vos chroniques, j'avais envie de faire un podcast sur les jeux vidéo et sur les dramas, mangas et musique asiatique. Donc j'ai pensé directement à Ether. On se connaît maintenant depuis 7 ans, 8 Ouais. ans, plus ou moins. Donc, vu que je l'ai un peu donné la maladie nippone, j'ai envie de dire, la maladie des mangas, des dramas et des musiques, bah, j'ai pensé directement à lui. Donc, on a mis tout ça, tous les deux, sur le papier, et là, ben, on commence. Donc, Ether, tu peux un peu nous dire, toi, pourquoi tu as envie de faire ce podcast? Pourquoi avec moi? Pourquoi dans ce style-là? Parce que il y a peu de podcasts comme ça. ouais, justement, il n'y a pas beaucoup de podcasts qui parlent tout ça, le mélange Corée-Japon. Peut-être je vais faire un petit détour Taïwan. Je vais faire vraiment le tour de l'Asie. Moi, je vais rester concentré sur le Japon. Et bon, c'est déjà notre passion, hein, faut le dire. Donc, Ça, c'est sûr. quoi de mieux que parler de ce qu'on aime? Voilà. Exactement, oui. L'actualité, les mangas, les dramas, c'est vraiment tout ce qu'on aime. Donc autant faire plaisir aux autres et faire découvrir notre propre passion aux autres, quoi. Bah oui, tout simplement. Je tiens à dire aussi que c'est notre tout premier podcast à deux. Donc, ça reste vraiment très amateur. Donc, j'espère que vous serez indulgents et que vous comprendrez et qu'on, de toute façon, on s'améliorera avec le temps. Bon bah on va vous parler du contenu, de ce qu'il va y avoir niveau drama, manga, tout ça. Donc vas-y Nijo, tu t'y colles. Oui, bah donc il y aura trois rubriques principales. La première rubrique, ce sera la rubrique jeux vidéo, avec on parlera des dernières sorties sur pratiquement toutes les plateformes. On prendra le jeu qu'on a préféré, on vous le présentera, on donnera une petite note, on dira les pour et les contre, pourquoi ce jeu. On fera un petit test, voilà, en présentation du jeu et un test. En second, alors on parlera de la rubrique manga anime, donc les actualités manga. Moi, je ferai une chronologie d'édition par édition, donc édition Glénat, Kana, etc. Un petit résumé des épisodes qui suivent. Voilà, sortie du mois. Niveau anime, ça sera sûrement surtout de la découverte manga, un manga qu'on a pas mal aimé et qu'on souhaite vous faire découvrir. Mais t'es en train de nous expliquer qu'avec cette rubrique-là, tu vas nous présenter les mangas qui sortent dans les magasins et qu'on peut même sortir et aller les acheter parce que tu nous as tellement bien présenté que ça nous a plu? Eh oui, c'est ça, exactement. Et on va même vous parler des mangas, des animes qui ne sont même pas encore sortis. Eh oui. Mais Otakuz, c'est génial! Et notre troisième et dernière rubrique de chaque épisode d'Otakuz sera la rubrique film drama. Donc en gros c'est un peu comme on vous fera une présentation de film ou de drama. Ce sera un peu comme pour les mangas ou pour les jeux vidéo, on va vous présenter un drama qui nous a plu. Donc dans cette rubrique-là, moi je serai beaucoup plus Corée et Théa sera beaucoup plus Japon. Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un drama? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui connaissent pas Alors, justement un cette drama. découverte, donc. Vous connaissez tous les séries genre Desperados Wives, Grey's Anatomy, et ben un drama, c'est tout simplement une série, mais d'Asie. Donc ils appellent pas ça une série, ils appellent ça un drama, tout simplement. Et ça veut pas dire que tous les dramas parlent des drames, non, parce qu'il y a des dramas comiques, il y a des dramas musicaux, il y en a beaucoup. D'ailleurs, on en connaît bien un qui est énorme, qu'on va vous présenter pour un prochain épisode. Alors sinon, entre toutes ces rubriques, il y aura une découverte musicale, une musique que vous ne connaîtrez sûrement pas, coréenne comme japonaise. On va peut-être vous passer du rock anglais, mais pas connu, hein. Ça reste vraiment dans la découverte. On va pas faire durer cet épisode plus longtemps, il est déjà bien chargé pour une petite présentation. On va vous laisser avec une petite pointe de musique, Stay With Me de Erika Sawajiri. Je vous dis donc au revoir Au revoir. et rendez-vous au prochain épisode.